Ah, c'est fou la roulade. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Une heure complète de nouveautés musicales avec le poste d'écoute et on reçoit Simon Fitzbé et François Landry avec leur chronique rock et politique. C'est à assemblage requis et ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières en ce jeudi 17 février. Moi, c'est Mathieu Plante et François-Olivier Marchand est en congé aujourd'hui, donc on va le retrouver lundi. On espère qu'il s'amuse et qu'il s'en veut pas trop de m'avoir fait venir à pied ce matin. Ça m'a fait prendre de l'air, donc c'est bien, j'en ai besoin. Beaucoup. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Simon Fitzbé avec sa chronique Rock Phénomène. Il continue son exposé sur les Rolling Stones. Aujourd'hui, c'est vers les 8h. Ensuite, à 8h30, on va voir François Landry et sa chronique politique Logocratie 101. Cette semaine, son sujet, le bloc gonflé à bloc. Mais avant ça, on a eu une première heure complète et complètement spéciale par le fait même. Donc, à la place d'avoir François-Olivier Marchand, hein, on le remplace facilement comme ça, par... Le poste d'écoute d'assemblage requis. Bien profiter de notre temps ensemble pour découvrir de la nouvelle musique, se pénétrer comme ça de nouvelles notes. Ben, en fait, les mêmes notes que depuis toujours, mais placées différemment avec une autre voix par-dessus. Donc, dans le poste d'écoute, où on vous présente une fois de temps en temps, ici dans l'assemblage requis, un album qu'on a choisi parmi les nouveautés reçues assez fou à la station depuis des semaines, depuis les dernières semaines. Hein? Bon. Donc, on commence aujourd'hui avec My Little Cheap Dictaphone ou MLCD avec leur album The Tragic Tale of a Genius. Et on s'écoute le morceau What Are You Waiting For featuring Jonathan Donahue of Mercury Rev. Tout de suite au 89.1 FM, c'est le poste d'écoute d'Assemblage Requis. I'll to pass into faith. écoute. I am a movie star, always looking to score. Yes, I got, I ready for more. Last call, will you come? There's a party in store. And what you really need, the things you talk about, they are within your reach. You never go without, and all you dreamed about, it all belongs to you. Your every day come true. Never slow me down. Hey man, can't you see? You're the one the outdoor. Suit up and behave. You might never come back. And what you really need. Fast to beat our pride. La formation My Little Cheap Dictaphone avec leur nouvel album The Tragic Tale of a Genius. On a entendu trois pièces. Au début du bloc, c'était What Are You Waiting For? Ensuite, Slow Me Down. Et ça, c'était Shine On. D'ailleurs, les deux dernières avaient des featuring. Shine On, c'était... Non, pas la dernière. La dernière, c'était Shine On tout court. Slow Me Down avec un featuring de Ralph Mulder de Alamo Racetrack. Voilà pour My Little Cheap Dictaphone. Parlons un petit peu d'eux sur leur MySpace au myspace.com/mylittlecheap. Hein, eux, ils sont raccourcis, ça, c'est bien. J'aime bien. On apprend que c'est un groupe de Belgique. Pourquoi pas, groupe de Belgique. Ils ont plusieurs vidéoclips à leur actif. Et ils sont en spectacle, oui, au Québec, à la Sala Rossa de Montréal le vendredi 11 mars. Ils vont être au Cercle de Québec le samedi 12. À Pointe-Gatineau, au cabaret La Bassoche, le dimanche 13. Vous pouvez aller voir les dates sur leur MySpace, bien évidemment. Petit fait intéressant dans leur très très longue biographie, il y a beaucoup de détails sur le groupe, je vous épargne les détails, mais le groupe travaille avec deux réalisateurs de films, Bubble Duchesse et une scénographe, Catherine Cosme, sur une performance en direct d'une genre d'opéra pop avec des décors et 13 projections vidéo originales sur des genres de gratte-ciel phosphorescents qu'ils disent, et sur des télés des années 50. Une production ni grosse ni intime, donc entre les deux, qui est parfaite pour les festivals. Comme j'aime dire, les festivals de la scène rock internationale. My Little Cheap Dictaphone, je vous rappelle le nom de l'album, c'est The Tragic Tale of a Genius. Si ça vous intéresse, c'est myspace.com/mylittlecheap. Vous êtes dans une première heure particulière d'Assemblage requis. Le poste d'écoute, on vous présente des nouveautés musicales qu'on a reçues à la station. Maintenant, on va passer du côté francophone. On n'a pas grand nouveauté francophone en tant que telle, les CD, mais celui le disque des Francs Ouvertes qu'on a reçu il y a quelques semaines est encore rempli de choses qu'on n'a pas entendues jusqu'à maintenant. Commençons avec, pourquoi pas, du côté du CD 1, tu sais, parce qu'il y a deux CD sur cette compilation-là. Voici Mordicus et L'Explosion. C'est l'assemblage requis jusqu'à 9h. C'est fou. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Le boss écoute. Flambant nu, plus rien à cacher. La vérité crue, la fin des préjugés. En dessous d'Adam et Ève, l'image prend une trêve. Il reste l'essence, la sève. Look, un big shot parce que t'as tout. Mais il te manque ben des affaires. Tout ce que t'as, c'est ce que t'as de l'air. Non mais on serait-tu bien tout nu? Sans ragaboule, sans strap à gosse. Tout nu dans la foule, du fesse, du boule. Non mais on serait-tu bien tout nu? Sans ragaboule, sans strap à gosse. Tout nu dans la foule, du fesse, du boule. On verrait bien une fois tout nu qu'il n'y a pas grand chose qui nous colle dessus. On reviendrait aux valeurs primaires, se mettre un peu plus de crème solaire. Non, mais on serait-tu bien tout nu? Sans racaboule, sans strap à gosse, tout nu dans la foule, nu fesse, nu boule. La fin des préjugés. En dessous d'Adam et Ève, l'image prend une trêve. Il reste l'essence, la sève. Non mais on serait-tu bien tout nu? Sans racaboule, sans strap à gosse. Tout nu dans foule, nu fesses, nu boule. Des bouts de tissu prennent le dessus sur ta carcasse qui elle se cache. Le maquillage sur ton visage envenime l'image que tu dégages. Ton mascara, ce mascara vaut pas tes yeux de 24 carats. Ils sont deux bijoux plus beaux que l'opale. Mais gustato au natural. Non, on serait-tu bien tout nu? Sans racaboule, sans strapagos. Tout nu dans la foule, nu face, nu boule. Non, on serait-tu bien tout nu? Sans racaboule, sans strapagos. Tout nu dans la foule, tout nu dans la foule. Benoît Rochelot et la pièce tout nu dans le bloc de poste d'écoute ici à Assemblage requis. Très, très bonne pièce, Benoît Rochelot. Parlons de lui un petit peu. myspace.com/Ben Rochelot et sa page MySpace. Artiste de Montréal, nous dit-on, qui sera en spectacle d'ailleurs au Francouverte le 7 mars au Lion d'Or. Premier arrivé, premier rassis. Évidemment, donc, ça, c'est dans la compilation des Francouvertes, vous l'avez compris. Donc, les groupes qui s'affrontent pour gagner le prix. Voilà. Avant, on a entendu Mordicus et le morceau L'Explosion. Mordicus, c'est myspace.com/MordicusRock, un groupe de Chicoutimi. Voilà. Eu leur spectacle, si je peux vous le dire aussi. C'est le 21 février prochain, donc lundi, qui s'en vient juste là. Comme je disais, vous êtes dans une heure spéciale d'Assemblage requis, le poste d'écoute. On vous présente des nouveautés musicales qu'on a reçues assez fou depuis les dernières semaines. On va continuer avec de l'anglophone cette fois-ci et un groupe vétéran des palmarès c'est fou. Oui, Hey Hey Rosetta, c'était très très bon dans le temps. Leur nouvel album s'appelle Seeds. Et commençons par la pièce Welcome tout de suite au 89.1 FM. C'est fou. searching for these four black tires, and through the night, our knuckles tight, knockoff smiles and yellow lines. Streets for the signs of a spark, fucking around in the dark. And long we were held in the thrumming and desperate heat of the clubs, drinking deep from that cup. We drink it up. there's something, the beat in the blood and the heat in our hands of 12 regular men. So when we come down Cathedral Street hollow and beat into the room that our end, I'm going back up. Pièce du nouvel album de Hey Rosetta, on vient d'entendre Year Spring. Avant ça, c'était Seeds et Welcome à débuter le bloc le bloc qu'on appelle, entre autres, le poste d'écoute, parce que c'est son nom, hein. Ici dans l'Assemblage Requis, une heure tout à fait spéciale où on découvre de la musique. Hein? C'est bien. Alors, on a entendu, c'est ça, donc, trois pièces de Hey Rosetta. Parlons un petit peu d'eux, myspace.com/Hey Rosetta. Je vous apprends que c'est un groupe de St. John's à Terre-Neuve et Labrador, le Saint-Jean de Terre-Neuve, voilà. Sur leur MySpace, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont gardé le lecteur de MySpace pour les pièces de leur précédent album, et puis ils ont rajouté leur propre lecteur pour les nouvelles, donc on se trouve à avoir des pièces des deux albums, c'est très très bien, j'aime ça. On se rappelle de leur pièce de leur précédent album qui était sur le palmarès de C'est Fou. C'était très bon. Et ça le reste. Moi, j'ai adoré ça, les trois pièces qu'on a entendues des Rosetta. Ils vont être en spectacle demain, vendredi 18 février, au cabaret du Myland à Montréal. Et d'autres dates en Ontario, entre autres. Et puis après ça, ils vont sortir aux États-Unis et en Australie. Plus tard, dans le mois d'avril. Voilà. Pour Rosetta. Comme je le disais, vous êtes dans Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées, mais là, c'est une heure spéciale sur le poste d'écoute où on se découvre les nouveautés musicales reçues à C'est fou depuis les dernières semaines. On va retourner en francophone pour aller entendre le nouvel album de Jean-Philippe. Jean-Philippe qui n'a pas tant besoin de chance hein, dans notre poste d'écoute, pas besoin de trop lui passer de pièces parce que ça va jouer à la tonne. On le sait, il est très prolifique, on adore ce qu'il fait, Jean-Philippe. Son nouvel album s'appelle Le bout du monde et on va écouter deux pièces, ce qui en reste tantôt, mais on débute avec Envie de rien tout de suite dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis. The fuck out! Deux pièces du nouvel album de Jean-Philippe, Le Bout du Monde. On vient d'entendre Ce qui en reste. Et alors, c'était Envie de rien ici dans le poste d'écoute d'assemblage requis. Jean-Philippe qui est au myspace.com/ Le Rock n'est pas mort, comme je le disais précédemment. Le Rock n'est pas mort. Non, il est là sur MySpace, entre autres. Donc, Jean-Philippe de Québec, ici au Québec. Hein. Jean-Philippe.com est son site web officiel. Sur son MySpace, il y a plein de pièces à écouter de son plus récent album. Donc, je vous le conseille. J'ai toujours aimé Jean-Philippe, c'est toujours très, très bon. Il va être en spectacle le 22 février au Quai des Brumes de Montréal et à l'Inox de Québec le 23 février. Donc, ça, c'est quoi? C'est mardi et mercredi prochain, ces deux spectacles-là. Voilà pour le poste d'écoute. Merci d'avoir écouté ce segment d'assemblage requis. Hein. Écrime, on s'est fait une heure de nouveautés. Je vous rappelle les autres albums qu'on a entendus. Heroes Attack avec Seeds, la compilation 15e édition des Francouvertes. Évidemment, on a entendu Mordicus et Benoît Rochelot. Et on a débuté le bloc avec MLCD, My Little Cheap Dictaphone avec The Tragic Tale of a Genius. Voilà pour la première heure d'assemblage requis aussi. On se retrouve tout à l'heure avec une deuxième heure. Il va y avoir Simon Fitzbé et la suite de son historique des Rolling Stones. Et on va recevoir François Landry pour parler de politique. Son sujet d'aujourd'hui, le bloc gonflé à bloc. C'est dans la deuxième heure, mais pour l'instant, l'Info Campus, restez avec nous. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Bon retour sur la deuxième heure d'Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées en ce jeudi 17 février. On est en direct des studios de Tifo à Trois-Rivières et moi, c'est Mathieu Plante. Je rappelle que François-Olivier est en congé. Aujourd'hui, il va être de retour avec moi lundi. Mais d'ici là, on va avoir la présence de Simon Fitzbé qui va agir presque en tant que co-animateur. Si on veut, on pourrait quasiment t'appeler de même. Et de tabarouette, oui. Et de tabarouette de tabarouette. Hey, tu limites bien. T'es beau et t'es bon. Et pas cher aussi. Ouais, je coûte moins cher. un petit peu moins cher. On écoute Valès Pariétaire, voici ta dépendance. Et après ça, Simon Fitzbé avec Phénomène. Thank you. ça coupe sec comme ça. Et voilà. Ta dépendance de Valspérietaire à Assemblage requis, je le connais un peu le CD, puis je viens de me rappeler que les pièces sont mixées dessus. Hey, c'est bon, Tabarouette. Tabarouette. ça, c'était Simon Fitzbé en remplacement de François-Olivier Marchand. Et on va l'accueillir officiellement. Voici la chronique de Simon Fitzbé, Phénomène. Simon Fitzbé. Bonjour. Bon matin. Bon matin. C'est toujours le mois de février. Oui. Et c'est toujours le mois des Rolling Stones dans ta chronique. Feb Rolling Stonier. Zuary. Zuary. Ah, c'est vrai, il faut dire en français, c'est ça. Ouais. Le quota, le CRTC veut que. Exactement. Ouais. Donc, Simon, c'est la troisième partie de ta chronique qu'on était rendu. Oui, on était rendu en fait au milieu. On s'était quitté en fait dans les années 70. Donc, on a vu dans les dernières semaines comment les Rolling Stones ont surmonté plusieurs troubles tels que la mort de Brian Jones, le désastre d'Alamont où les Hells Angels avaient foutu le trouble, le départ de Mick Taylor et les nombreux problèmes de drogue de ses membres. Et sont restés quand même les Rolling Stones pendant cette période le plus grand groupe de rock and roll de la planète pendant donc les années 70. Par contre, le groupe est maintenant perçu comme une gang de vieux bonhommes déconnectés. Et cette semaine, nous aurons donc droit au retour au succès ainsi qu'à la discorde chez les Glimmer Twins et à la naissance d'un monstre. Ouh. Oui. Donc, malgré tout ce succès auprès de ses fans de la première heure, le groupe est de plus en plus plutôt perçu comme vieillissant. La richesse de leurs membres leur a procuré de nombreux... la richesse qu'elle leur a procuré de nombreux albums, plutôt. C'est dur à lire sur un écran de 11 pouces. Oui, c'est ça, c'est l'adaptation. le groupe sont perçus comme des vieux Richards déconnectés de la réalité à l'aube de la révolution punk, du New Wave ainsi que du disco qui s'apprête à frapper l'Angleterre. Le groupe doit donc trouver un moyen pour plaire à ses détracteurs et maintenir un standard de musique auquel ils avaient habitué ses fans avec les années. Et c'est en 1978 que Some Girl est lancé et c'est l'album qui permet aux Stones de se reconnecter auprès des fans et satisfaire aux critiques. L'album réétablit le groupe comme un des grands canons du rock avec la fougue de sa jeunesse et un son tendance qu'aide l'album à devenir le premier vendeur aux États-Unis avec 6 millions d'exemplaires, donc son plus gros vendeur de l'histoire. Ever. Ever. Comme les jeunes disent. Ever, Ivy Lodge. Et donc, en plus, cet album-là est le premier à comprendre Ronnie Wood comme membre officiel du groupe. Il avait participé aux albums précédents, mais pas en tant que Rolling Stone. Et il comprend aussi les succès Missed You, Beast of Burden, Shattered, Far Away Highs, ainsi que bien d'autres qui aident à la popularité donc de cet album. Et le succès de l'album emmène aussi le groupe à ouvrir la quatrième saison de la prestigieuse émission Saturday Night Live. Sleeping. Central Park, singing After Dark. People think I'm crazy. Stuffing on my feet, shuffling to the street, asking Pete, what's the matter with you, boy? La pièce Miss You des Rolling Stones, qui est parue en 1978 sur l'album Some Girl. Une très, très, très bonne pièce des Stones, qui a été leur plus grand succès sur cet album. Un de leurs plus grands succès aux États-Unis. Qu'on peut entendre encore. Et qu'on ne stanne pas. On ne stanne jamais. On ne stanne pas. Et donc, c'est bien sûr dans le cadre de la chronique Phénomène sur les Rolling Stones, dans le cadre d'Assemblage requis avec Mathieu Plante. Hello! Et François-Olivier Tabarouette-Marchand, qui n'est pas là. En guillemets, Tabarouette-Marchand, wow! Ça devrait être son surnom, on devrait l'appeler juste Tab. Oh, ce serait pas pire. Yo, ça. Tab! Hey, Tab! Et Tab! Tab! Tab! C'est lui qui, dans l'intro, en passant, fait comme... Tu sais, quand il se lève, il se pète le pied contre son lit dans le petit sketch au début. Là. Ah, c'est lui, ça! Genre, je sais plus qu'est-ce qu'il dit, mais... On disait donc Rolling Stones, troisième partie. Oui, donc suite à cet album Kiss Some Girls, le groupe en début de l'enregistrement de l'album Emotional Rescue et les sessions se déroulent très mal, alors que Keith Richards, malgré sa consommation d'héroïne, revendique de plus en plus de place dans la création en studio, ce qui indispose Mick Jagger, en fait, qui n'était pas vraiment habitué à avoir autant de participation de la part de son collègue. Et l'album, par contre, est aussi un succès, comme les autres. Il comporte une certaine saveur disco pour plaire aux foules et encaisser sur la saveur du moment. Plug d'émission! Oui! La pièce titre de l'album est un succès instantané dans les radios. Et l'album peut compter aussi sur les pièces Dance, Indian Girls, She's So Cold et Saint Lit To Me pour assurer son succès. En début d'année 1981, le groupe s'embarque dans une tournée américaine et enregistre son prochain album, Tattoo You, alors que cet album est composé principalement de restants des enregistrements de Some Girl et Emotional Rescue. On peut difficilement croire, dis-je, que c'est le cas avec la sonorité puissante qui rétablit les Stones comme groupe emblématique du rock. Donc, c'était des outtakes, comme on dit en bon français, mais ça sonnait comme si c'était un album pensé du début à la fin pour les faire sonner comme des géants. Tattoo You, ça ressemble à... Tu connais la pièce Fuck You de CeeLo Green? Fuck You! Ouais. Ouais, ça. La version censurée, c'est Forget You, tu sais. Oh! Je sais pas si tu savais, dans les radios grand public, là. Ouais, ouais. C'est Forget You que ça chante. Et puis, ça fait tellement pas sur les syllabes. Et la définition est tellement pas la même, tu sais. Fuck you, forget you. D'accord, bref. Tattoo ouais, You. C'est un peu différent. Tattoo You aussi, ouais, c'est un bizarre de nom. Ouais, ça, bizarre. C'est... Ça se dit tatoue-toi. Tatoue-toi. Tatoue-toi. C'est particulier. Tatoue-toi. Et donc, c'est sur cet album-là, entre autres, qu'on retrouve la pièce Start Me Up, bien sûr, très grand succès. La pièce de Microsoft. Pièce de Microsoft. Bill Gates qui a écrit ça, c'est ça? Oui. Oui, on va y venir, justement, ah, oui. tout à l'heure. Et donc, il comporte Start Me Up, entre autres, ainsi que Tops, Hang Fire et Waiting on a Friend. Deux pièces comportaient aussi des collaborations de Mick Taylor, ancien guitariste de la formation. La tournée qui s'ensuit devient la plus lucrative et la plus longue de la formation depuis que celui-ci a commencé à tourner. Et il en ressort l'album live Still Life ainsi que le film Let's Spend the Night Together lancé en 1983. En 1982, pour célébrer ses 20 ans, le groupe se déplace plutôt en tournée, avec la même tournée qui avait été faite aux États-Unis, en Europe cette fois-ci, où il réalise sa première visite du vieux continent en 6 ans. Et en 1983, le groupe lance l'album Undercover qui, malgré ses teintes disco, reggae, soul et new wave, ainsi que sa production ambitieuse, n'arrive pas à se hisser dans les palmarès. De plus, la discorde entre le duo Jaggers et Richards continue à grandir, oui, alors que Keith délaisse de plus en plus les Stones pour travailler à la production de son premier album solo qui paraît en 1984. Un peu pour se venger, c'est Mick qui travaille sur du matériel solo pendant une bonne partie de l'année 1985, soit pendant la production de l'album Dirty Work, qui, on dit même en même temps que les Glimmer Twins, c'est-à-dire Jagger et Richards, n'étaient jamais ensemble dans le studio pendant que le groupe travaillait sur cet album-là. Et c'est aussi pendant cette période que décède Ian Stewart, membre fondateur et pianiste du groupe qui travaillait sur les enregistrements solo, studio plutôt, qui a été victime d'une crise cardiaque. We'll be right back. Rolling Stones avec la pièce Start Me Up qui a paru sur l'album Tattoo You de 1981. Pièce qui, comme le disait Mathieu, s'est retrouvée emblématique pour Windows 95. Le nouveau menu démarré. Oui, le menu démarré qui était une grosse innovation à l'époque. Oui, mais une bonne idée par contre. Oui, très très bonne idée qui nous a simplifié la vie quand même à plusieurs. De beaucoup. Oui, et d'ailleurs, on dit que Microsoft aurait payé 14 millions pour les droits de la pièce. 14 millions. Est-ce que Ford a dû payer autant dans leur pub avec Start Me Up? Je ne sais pas, parce que la pièce a été utilisée par Ford en 2003 cette fois-ci, et elle a été parodiée également par plusieurs, dont Bob Rivers, qui aurait fait une version qui se nommait Windows 95 Sock. On essayait de chanter par-dessus ça, là. Ça ne fait pas tellement des syllabes non plus. C'est un peu comme Forget You. Hein? Oui, et il faudrait écouter, en fait, cette version parodie. J'imagine qu'elle se trouve quelque part sur YouTube. Sûrement. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que Microsoft a acheté la chanson Start Me Up pour le menu démarrer et son Windows 95. Et après ça, Ford a utilisé la même chanson pour une autre pub. C'est parce qu'à un moment donné, tu peux aussi trouver ta propre pièce. Oui, exactement. Mais c'est, en même temps, c'est tellement un gros succès que... Ouais. C'est associé à... Mais c'est peut-être parce que Ford, tu sais, a maintenant les voitures partout avec des boutons. Ouais. Peut-être que c'était ça, puis... Démarre-moi! Ouais, j'imagine. C'était peut-être... je sais pas, faudrait demander à Ford. Faudrait. Ouais. Faudrait. Il est en feu ce matin, Mathieu. Ouais. Et donc, on revient au Rolling Stones. Rolling Stones. En 1986, pour saluer les 24 ans du groupe, les Grammy lui attribuent le prestigieux Lifetime Achievement Award. Pour l'ensemble, bien sûr, de leur carrière, l'album Dirty Work, lui, paraît finalement cette année-là. Mais Mick Jagger, amer de ne pas avoir été inclus dans le processus de production, décide que le groupe ne fera pas de tournée pour promouvoir ce dit album et s'embarque plutôt dans une tournée solo où il chante des chansons des Rolling Stones. Il faut dire qu'il avait également lancé deux albums solo. Il allait lancer plutôt deux albums solo l'année d'après. C'est le début de ce que Keith Richards appela la troisième guerre mondiale entre les deux. Et le groupe est pratiquement inactif, donc entre 1987 et 88, on se parle pas, on est fâché, il y a même des rumeurs de rupture chez les Stones, les albums solo de Jagger et Richards vont aussi aider à alimenter cette rumeur-là. Par contre, en 1989, le groupe est intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, l'allée des célébrités du rock, si on aime mieux en français. On n'aime pas mieux en français. Non, mais ouais. Hein, c'est pour l'ensemble de sa carrière. Donc, on y inclut Brian Jones, Ian Stewart ainsi que Mick Taylor, avec les membres actifs de la formation. Cet événement tend à mettre un peu d'eau sur le feu. Des animosités donc qu'il y avait entre les jumeaux, c'est-à-dire les Glimmer Twins, bien sûr. Et le groupe retourne en studio pour lancer Steel Wheels, qui comporte Mixed Emotion, Rock and a Hard Place, plutôt, ainsi que Almost Near You, Scythe. Ouais. Les noms de pièces ont commencé à devenir un peu plus... plus compliqués, un peu. Plus compliqué, ouais. Je t'entends presque soupirer. C'est la traduction du titre. Et donc, le succès de l'album est si convaincant que le groupe s'embarque dans une tournée mondiale qui est la plus grosse de son histoire depuis, bien sûr, la tournée de Some Girl et Tattoo You. Et malheureusement, qu'est-ce que je dis là? J'avance un petit peu trop. Donc, le succès de l'album est convaincant et le groupe s'embarque dans une tournée mondiale qui est la plus grosse de son histoire. La tournée Steel Wheels Urban Jungle comptait entre autres Guns N' Roses en ouverture et a également donné l'album live Flashpoint en 1991. Malheureusement, cette tournée monstre est la dernière de Bill Wyman. Le guitariste se trouvait trop vieux et a pris un an pour prendre sa décision, mais décide finalement de quitter le groupe à la fin de l'année 1992. Et après la tournée, ainsi que d'une pause méritée pour se consacrer à leur carrière solo respective, le groupe se réunit en 1994 pour lancer son premier album sur l'étiquette Virgin qui se nomme Voodoo Lounge. Un album qui est encore dans les top 10 des ventes et qui mène également à une autre méga tournée. Par contre, ses habitudes de tournée mondiale rend le groupe las de sa popularité. Ils sont las. Oui. Oui. Toujours dur à dire ce mot-là et sans l'expliquer après. Ouais, exact. Hein, parce que c'est plus beau sur écrit que sur oui, dit. C'est un beau mot. Sur dit. Oh, sur bouche. Buccalement, parle. Oui. Et donc, les Rolling Stones cherchent un peu leurs racines et c'est alors qu'éclot l'idée de l'album Stripped, un album enregistré live où le groupe joue ses meilleurs succès dans de petites salles, leur rappelant leur début. Il est également le premier à diffuser directement sur l'Internet cette année-là avec la technologie du streaming financée par Sun Microsystems. Le groupe donc envoie un vidéo directement sur les internets qui dure 20 minutes et qui n'était pas en direct, mais ça reste quand même une première. C'était rempli de buffering, donc. Oui, donc. Ça devait être extrêmement lent. J'imagine même pas. Au moins, c'était pas Real Player, le commanditaire. Non, c'est ça. Ça aurait été encore pire, je pense. Mais il y avait 10 images par seconde, ce qui est quand même lent comparativement. Oui. Habituellement, c'est 30, je crois, quelque chose genre. Dans ces coins-là. Ça a popularisé quand même la technologie. Ça a aidé vraiment à faire connaître le streaming, le vidéo en direct de l'Internet. La grosseur d'un timbre, genre... c'était pas très gros, mettons. Non, c'était pas c'est plein ça. Il fallait vraiment pas l'écouter très gros. Ouais. Ça a aidé donc à rendre populaire la vidéo par Internet. Real Player s'est mis de la partie par la suite et s'est embarqué pour des vidéos très lents. Il fallait écouter pendant une heure et demie pour avoir 3 minutes de vidéo. Bonheur! Et donc, par la suite, comme on en avait parlé tout à l'heure, le groupe a également vendu les droits de sa pièce pour la pièce Start Me Up, bien sûr, Start Me Up, pour le lancement de Windows 95, qui a aidé à rendre populaire la publicité. Oui, et Windows. Oui, et Windows, exactement. Et bref, pendant les années 80, ça a été quand même ardu pour le groupe, alors que plusieurs membres sont dirigés vers des carrières solo. On croyait que le groupe s'éloignait de plus en plus de la scène. Il a fallu donc qu'un prix fasse comprendre l'appréciation du public envers lui pour que les Stones retournent sur scène. Ce fut alors le début des méga spectacles à grand déploiement et de l'ère de la nostalgie. Avec les convaincus et les nouveaux fans, les Rolling Stones sont plus gros que jamais au milieu des années 90. Everywhere I thought you're bound to fall. They thought they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this round jam. It's lonely, but you know you're only used to get juiced in. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trapping at you. Realize that who's not selling any alibis. And you stare into the vacuum of his eyes. And he said, do you want to make up to your faces on the steeple. All the pretty people drink and think and believe. Golly babe, exchanging all kinds of precious gifts. You better take that diamond ring, you better. Party babe, you used to be so amused. And a pony in rags, who's the language that he used. Now go to him now, cause you can't refuse. When you got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now. You got no secrets to conceal. Et c'était les Rolling Stones avec Like a Rolling Stone, une pièce de Bob Dylan qu'ils ont repris sur l'album Stripped. Il y a eu un vidéoclip de fait avec ça aussi. Il s'était tourné dans des petites salles. Mais les petites salles pour les Stones, ça reste quand même assez gros. Ouais. C'est rempli. Et donc, c'était dans le cadre, bien sûr, d'un phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis avec Mathieu Plante. Oui, c'est moi, ça. Oui. François n'est pas là aujourd'hui. Et non. Ben non, là aujourd'hui, c'est pas une liaison possible dans la vie. C'est et là aujourd'hui. Non. Et de tabarouette que non. Donc, merci beaucoup, Simon. On va te retrouver jeudi prochain à 8h pour une autre chronique phénomène. Oui. T'as évidemment aussi tes autres émissions, chroniques et trucs partout là dans la grille horaire. Surtout aujourd'hui, le Simon fait d'idées. Oui. Ça commence le matin, phénomène à 8h. Ensuite, sur l'heure du midi, entre 11h et 13h, il y a le scout des internets. Le scout des internets 2.0, puisqu'on est avec une nouvelle machine. Oui, c'est ça. Tu travailles sur... Ah, il faut le dire tantôt, la référence sur ton petit écran, c'est que t'as un nouvel ordinateur de 11 pouces. Oui! Un MacBook Air! Et qui est génial. Ah, je le veux. Oui, je le veux. Il est vraiment débile. Trop petit pour moi, mais quand même, je le veux. c'est ça, donc sur l'heure du midi. Sinon, d'habitude, le jeudi soir, tu aurais la saveur du moment. Pas cette semaine. Non, pas cette semaine. On prend un petit congé cette semaine. On mérité. On se repose, oui. Ça n'a pas du tout rapport avec le défilé de Saint-Valentin de Kiro. OK. Ou le nouvel ordinateur. Ou le nouvel ordinateur. Non. Ça n'a pas du tout rapport. C'est ça. Il y a une webcam dessus, tu pourrais t'en servir pendant le défilé. Mais bon. Exact. Jeudi, ça c'est pour le jeudi. Vendredi, à l'émission Rock Classique, tu fais aussi tu fais ta chronique Les éphémérides du rock. Oui, dans le cadre de Rock Classique, bien sûr. Avec Alan Lefever. Le rockmaster. Le master du rock. Oui, le master. Le maître. Le maître du rock. Merci encore une fois. Et puis, tu vas rester avec moi pour le reste de l'émission avec François Landry pour m'aider parce que moi et la politique, c'est ça. Je vais pratiquer mes tabarouettes. Oui, tu vas en avoir besoin. Écoutons Karim Ouellet avec Météor et puis on revient juste après avec François. Enfin, on va là. Ah non, je regarde l'heure. Elle est tard, là. Tardive l'heure. Elle est tardive. Ben oui. On va en publier, on revient. C'est fou là, vous avez. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante. Assemblage requis en pièces détachées. C'est toujours Assemblage requis sans François-Olivier Marchand, mais avec Mathieu Plante et un Simon Fitzbé. On s'est trouvé un Simon Fitzbé. Tabarouette. Oh, la blague est finie depuis longtemps, par exemple. Et est finie depuis longtemps. Donc, Simon qui est avec moi pour le reste de l'émission, pour discuter avec François Landry, qu'on accueille à l'instant. Levez-vous, les gars. Non, personne ne le fait, comme toujours. Voici la chronique Logocratie. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Collègues, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Ça va? Oui, ça va. Hey, moi, j'ai une suggestion avant qu'on commence, qu'on fasse une petite prière, qu'on se lève et que... Non, je suis pas le genre là tremblé là, au Saguenay. Non, merci. On est laïcs, il n'y a pas de crucifix dans le studio. Aucun crucifix. Toi, tu ne prends pas tes décisions selon ce que Dieu te dit de faire. Non, sinon, ça ferait longtemps que je n'arrête une coupe. Tu sais, Dieu, des fois, il peut... Oh, m'inspire des fois, il dit François, gifle Simon. Ah, ben quand même. Oh. Non. Est-ce que je peux t'appeler sans Mac? Oui, tu peux m'appeler sans parce Mac. Parce que tu es sans Mac. Ouais, nous, on a des Mac ici. Ouais, c'est, là, il est chez nous, le mien. C'est ça, parce que nous, c'est ça, notre crucifix. On vous, un culte de Apple. OK. Tu comprends, genre? Wow. Steve Jobs. Non, hey, ben, t'es rendu là. Excuse-moi, mais t'es rendu là. Je ne vous parle pas le culte. J'utilise la machine. Ah, d'accord. Bon. Parlons politique. Oui, parlons politique, c'est le sujet du moment. Aujourd'hui, on parle du Bloc qui est gonflé à bloc, François. Oui, monsieur, parce que le Bloc a tenu son un conseil général la semaine dernière. Et puis, Jules Dicep avait réuni ses troupes à Saint-Hyacinthe et puis il s'est pompé en disant « Là, le Québec veut de l'argent ou des élections. » Là, tout le monde debout, ouais, on veut l'applaudir. Et il a dit ça pour soulever ses troupes, évidemment, parce qu'il y avait un vote de confiance à la fin de son conseil. Mm-hmm. Donc, à chaque X temps dans les statuts règlements du Bloc québécois, le chef doit aller en vote, à savoir si les membres du parti veulent toujours que ce soit lui le chef ou non. Et comme le Gilles Duceppe, c'est un être très populaire, autant au Canada qu'au Québec, en tant que politicien, et que le Bloc québécois est à la veille des élections et que, de toute manière, il n'y a pas de relève au Bloc québécois pour prendre la succession de Gilles Duceppe. Ils ont été, donc, fait un vote et il a obtenu 96% d'appui. Wow. Donc, c'est un vote que je pourrais dire à la soviétique. Hein? Ouais. C'est un... Il n'y a pas de... Le 4%, pour moi, ils se sont fait dire « Toi, tu vas te contre Gilles Duceppe pour que ça ait l'air de 100%. » C'est ça, sinon c'est dictateur. Hein? 100%, ouais, ça ressemble à ça. Hein? Ouais. Donc, 96%, Gilles Duceppe, heureux. Pauline Marois, aussi chef du Parti québécois, est allée aussi au conseil pour montrer que le Parti québécois le bloque. Mais surtout, Marois et Duceppe sont frères et sœurs et non pas des chiens et chats. Mais c'est parce qu'elle aussi, elle passe au bat dans pas long. Au mois d'avril, donc dans deux mois, ça va être à son tour d'avoir de devoir faire face au vote populaire donc du membership du parti. Je pense pas, par exemple, que ça va être aussi... 96%. Si elle obtient 75% et plus, elle va être heureuse. Ouais. Hein, elle va être heureuse. Si elle obtient en bas de 75%, je pense que ça va être remis en question, son leadership. Mm-hmm. Mais pour l'instant, puisqu'on se souvient que Bernard Landry, en 2002-2003, avait démissionné alors qu'il avait eu 76%. Ouais. Donc, il y a le trois quarts des membres qui votent pour lui, puis il dit c'est pas suffisant. Donc, la barre est plus haute pour Pauline Marois. Psychologiquement, oui. Ouais. Psychologiquement, si elle, dans sa tête, elle doit viser 80% et plus. Là, au moins avoir le chiffre 80. Ça va être la première à passer un vote de confiance depuis Bernard Landry. Oui, parce que les congrès du Parti québécois, c'est aux 6 ans. Ah, okay. Alors que les autres partis, habituellement, c'est aux 3-4 années. Le Parti québécois, c'est aux 6 ans, puis là, elle est chef depuis 2007, mm-hmm. après la déconfiture d'André Boisclair aux élections de 2007. Donc, ça fait 3 ans, 4 ans qu'elle est là. Il est temps qu'il y ait une course, pas une course, mais un vote. Ouais. Donc, pour revenir aux bloquistes, donc, il y a le conseil, Gilles Duceppe, qui a dit « On veut de l'argent ou des élections. » Il dit « Nous, au Québec, on veut 10 milliards pour le prochain budget de Flaherty au mois de mars. » Ça serait le 22 mars, selon mes sources, que ça pourrait se faire. Donc, il y aurait, si ça passe pas, une semaine après, vote sur le budget, passerait pas, donc fin mars. Donc, fin avril, élection. Donc, je maintiens, encore et toujours, que ce printemps, il y aura élection au fédéral. Il est écrit que. Il est écrit que, François a dit que. Oui, 10 milliards qu'il veut. Il dit, c'est pas du tout exagéré, parce que la dernière fois, l'Ontario avait obtenu 10 milliards de dollars. Ils n'avaient pas demandé ça, mais ils l'ont obtenu. Donc, ils ont dit, nous autres, si au Québec, on est aussi grand, aussi important que l'Ontario, on veut 10 milliards. Sinon, c'est des élections. Mmh. Et il se base là-dessus sur la popularité qu'il a eue parmi ses membres, mais aussi selon les sondages. Puisque le Bloc québécois, juste au Québec, obtient 40%. C'est presque la majorité des votes qui vont pour le Bloc québécois, alors que le Parti conservateur et le Parti libéral obtiennent chacun 19%. Donc, les deux réunis ensemble n'arrivent même pas à la cheville ou à la taille du Bloc québécois. Puis le Parti vert qui obtient 8% au Québec, donc c'est un parti marginal. Donc, Bloc québécois, c'est sûr qu'il se fait rêler partout au Québec. La bataille sera vraiment Québec, la ville de Québec. C'est après 1759, les Anglais contre les Français. Ce sera les conservateurs contre les bloquistes. mais les libéraux pourraient aussi s'immiscer dans la bataille en divisant le vote. Mm-hmm. Parce que ceux, les Québécois qui n'aiment pas trop Harper, mais qui ne veulent pas du CEP, ils peuvent aller voter les libéraux. Ben, on verra bien, puis c'est encore le mystère Québec. Et là, on n'a toujours pas confirmé que le gouvernement fédéral aiderait au un futur amphithéâtre à Québec. C'est donc une énorme patate chaude présentement à Ottawa. On s'en lance la balle, hein? C'est incroyable. Oui, parce que c'est... Il a dit, au tout début, tu te souviens, il y a quelques mois, il a dit, on va investir, puis là, l'Ouest s'était soulevé. Il a dit, ah, finalement, on va réfléchir à ça. Là, c'est Québec s'est soulevé, et on sait que les seuls sièges conservateurs au Québec sont en Beauce et dans la région de Québec. Ouais. Il y a 8 députés et un au Saguenay aussi, Blackburn. Mais quand même, c'est le si on veut pas enrayer de la carte les conservateurs, c'est Québec qu'il faut conserver. Donc, on dit qu'est-ce qu'on fait avec l'amphithéâtre. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est José Bernard qui, en étant député de Québec, est obligé de s'occuper du dossier et elle est très, très mauvaise pour mentir et marcher sur des œufs. C'est pas pour rien qu'elle n'est pas ministre, c'est pas pour rien qu'elle a été rétrogradée depuis les deux dernières années. C'est qu'elle propage mal le discours conservateur. Donc, pour l'instant, on va laisser ça à d'autres, mais c'est une patate chaude et on verra pour les élections qu'est-ce que c'en est, puis ça va devenir un enjeu électoral au Québec. C'est certain. Mm-hmm. Certain dans les débats à Québec, du moins, et à Montréal aussi, parce que la meute journalistique est là. Ça va devenir un enjeu. Mais pour continuer pour les sondages, oui, le Bloc québécois fait très bien au Québec, mais au Canada, on s'entend, il ne présente pas d'autres candidats, donc c'est normal qu'il ne soit pas dans la liste de sondages. Le Parti conservateur obtient 37%, ce qui est immense. C'est le plus haut score depuis les élections de 2008. Ils ont le vent dans les voiles en faisant rien. Et c'est la stratégie conservatrice. On va faire des pubs démagogiques un peu contre Kniassiev, mais on fera pas de vagues. On va taire un peu. C'est leur leitmotiv, ça. On dit rien. Les libéraux, eux autres, gueulent. Ils font des pubs. La fameuse pub, je suis plus capable. Je sais pas si vous avez vu ça sur YouTube. Désolé. Tu t'apprends ça, Mathieu. Tu vas te bidonner les deux premières secondes et les six minutes qui vont suivre. Tu vas dire, ça en est fatigant. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, c'est une bonne pub, mais faite en français, dans un langage un joual. Okay. Faite pour le Québec, mais le Québec ne vote pas Parti libéral. On l'a vu, c'est 19%. Ils sont troisième derrière les conservateurs et le Bloc québécois. Et au Canada, ils ont 27%. Donc, une différence avec les conservateurs de 10%. Mm-hmm. Et ils sont en chute libre. La dernière fois, il y avait 29. Là, ça baisse, malgré les publicités qu'ils font. Donc, ça va mal pour Kniassiev, ça va bien pour Harper au Canada. Mais au Québec, Duceppe est en selle pour longtemps. Et aussi, après la fameuse demande pour le budget, là, ils ont réanimé la fameuse coalition. Ouais. Donc, ça, là, c'est peut-être une épine dans le pied du Bloc québécois pour les purs et durs, les fervents souverainistes au Bloc. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en 2008, si on se souvient bien, notre cher Stéphane Dion, qui était alors chef du Parti libéral, a dit « Si on veut renverser le gouvernement minoritaire de Stephen Harper, ça prend une coalition NPD-libérale. » Jack Layton avait accepté. Il y avait une entente. S'il y a un gouvernement de coalition, on veut 6 députés du NPD qui deviennent ministres. Et Jack Layton aurait été vice-premier ministre. Donc, c'était vraiment gratifiant pour eux autres. Ils accédaient pour la première fois au pouvoir. Dion avait accepté. Et là, le Bloc québécois, lui, il avait pas le choix d'avoir le Bloc québécois là-dedans pour renverser le gouvernement. Il a dit « Parfait, vous avez carte blanche. Pendant une période de 18 mois, on ne fera pas tomber le gouvernement ou on fera pas, entre guillemets, chier le gouvernement en place. » Donc, il avait donné son accord, son appui. Et là, tout de suite, les Harper puis la gang dans l'Ouest, les conservateurs, ont dit c'est une coalition de socialistes et de séparatistes, appuyée par un Bloc québécois, le NPD. Donc, Stéphane Dion, il veut la destruction du Canada, il veut la révolution communiste au Canada. Et là, il avait prorogé le Parlement, il y avait une crise politique à Ottawa, à savoir si la gouverneure générale pouvait proroger ou... tout ça, c'est en 2008. Et là, le Bloc relance l'idée d'une coalition. Ouais, mais avec Michael Kniassiev, ça va être plus plate. Moi, j'aurais aimé ça, voir Stéphane Dion pouvoir. Ça aurait été vraiment... Il y aurait eu un show, là. Ouais, ça, c'est clair. C'est ça. Mais tu n'auras pas la chance de voir ça, parce que Kniassiev a refusé catégoriquement de s'allier avec le NPD. Il dit, en anglais, dans son langage à lui, là, mais il dit « Never my dead body ». OK, genre « Over my dead body ». Over. Quand je serai mort, comme pilera-tu. Ouais, mais ça se pourrait être au prochaines élections. C'est tellement le choix logique. Le NPD et les libéraux. Il y a Jean Chrétien, on s'entend que Jean Chrétien, l'ancien premier ministre, qui était encore très influent au sein du Parti libéral du Canada, travaille dans l'ombre pour une coalition, lui. Ben oui, mais c'est ça qui a fonctionné pour les libéraux. Je veux dire, les conservateurs, l'Alliance canadienne et les conservateurs qui ont décidé de revenir ensemble. Qui ont unifié la droite. Et c'est la seule façon avec laquelle ils ont obtenu le pouvoir, parce qu'ils se battaient tout le temps entre eux. Et là, ça serait la même chose pour le NPD, parce que les revendications ne seront pas nécessairement différentes. On joue sur les virgules, on joue sur les chiffres. Ouais, ça, centre-gauche et gauche. Et centre. En fait, les libéraux se disent du centre et les NPD, c'est centre-gauche. Ouais. Donc, mais c'est n'importe quoi. Puis le Bloc quoi. Québécois qui pourrait jouer aussi là-dedans, se revendique aussi de centre-gauche. Mais en même temps, le Bloc québécois a voté pour la cessation c'est-à-dire des réductions de peine au sixième de la peine. Là, ça a paru hier, ils ont voté avec les conservateurs. Ça m'a vraiment déçu de la part des bloquistes. Mais ça, c'est un choix populiste, parce qu'au Québec, avec Madoff, avec le Vincent Lacroix, tout ça, ça fait que présentement, il y a une grogne populaire. Lacroix, c'est vraiment l'ennemi à abattre. On pense à ça, mais du côté des conservateurs, eux, c'est pour n'importe quelle sorte c'est de crime. C'est démagogique. Ils vont te faire arrêter pour une petite possession, soit de drogue ou peu importe, puis tu te fais mettre en prison. À la limite, c'est du profilage racial aussi. T'es un terroriste parce que t'es musulman. Non, faut faire attention avec ça, là, ici. Donc... le Bloc veut la coalition. Ignacev qui refuse catégoriquement. Layton qui se dit wow, moi, n'importe quand, tu sais, moi, devenir vice-premier ministre, Lui, go, il est prêt pour ça, mais avec des négociations serrées pour ne pas se faire tasser dans un coin par les libéraux. Donc, on verra ce que ça va donner. Donc, je répète, le budget serait déposé le 22 mars prochain. Le vote serait dans la semaine qui suit. Le Bloc québécois qui dit 10 milliards ou rien. Donc, il pourrait y avoir vote. Mm-hmm. Et s'il y a vote, défaite du budget. Parce que le NPD a déjà dit qu'il voterait contre le budget. Mais s'il dépose le budget, il y a quand même une période d'étude. Il y a de quoi, un mois ou... Il y a les crédits et tout ça, mais il y aura un vote sur accepter le budget ou pas. Okay. Mais c'est pour ça que... Un vote préliminaire. Oui, c'est exactement. Donc, juste... Il pourrait mettre un vote de non-confiance. C'est pas sur le budget même. C'est sur un vote de non-confiance qui pourrait faire tomber le gouvernement en disant « Ce qu'on a devant nous autres, là, pas besoin d'étudier, on le croit pas. C'est pas bon. On sait que c'est pas bon selon nos principes, selon nos demandes. » Mais il pourrait y avoir négociation pour enrayer certains articles du budget pour contenter un, contenter l'autre. Mais Harper, à la lumière des sondages, parce que le sondage que je vous ai donné, c'en est un, c'est Harris Decima, mais il y a eu trois autres sondages dans le Canada qui confirment l'avance et l'accélération de l'avance des conservateurs. Mais... Donc, Harper, qui voit la bonne vibe, la bonne vague qui s'en vient, dit « On va faire un budget conservateur pour être sûr qu'il soit refusé pour qu'on puisse avoir enfin notre majorité à la Chambre des communes. » Et qui pourrait ramener dans son budget le fait de couper les subventions partielles. Il veut le ramener. Les subventions, je vais juste prendre 30 secondes pour ça. C'est Harper, dans sa promesse, il veut abolir les subventions populaires au parti. Donc, quand on vote pour un parti, il y a 2$ que le gouvernement donne au parti à chaque année. Donc, conservateurs recueillent bon an mal an quelques millions de dollars. Les libéraux, beaucoup moins, quasiment le 2/3 de moins que les conservateurs. Et le Bloc québécois, c'est chaud Québec, donc il recueille à peu près 200 000. C'est pas gros, là, mais quand même, c'est un argent de base. Ouais. C'est un budget de roulement qui est récurrent d'année en année. Là, les conservateurs, ils ont dit, on est dans un temps économique difficile. Il faut faire attention aux dépenses du gouvernement. On va couper ça. Maintenant, ça va être comme aux États-Unis. C'est, si t'es riche, subventionne ton parti. Si t'es pauvre, ben, subventionne-le pas. Mais le problème là-dedans, c'est que les grands partis établis peuvent compter sur un membership, sur un réseau pour collecter des fonds. Mais un nouveau parti qui émerge pourra jamais avoir autant d'influence. Donc, ils vont aller... recueillir des enveloppes d'argent de quoi? De 2-3 000 $ par année? C'est même pas assez pour faire vivre un parti 6 mois de temps. Là. Ouais, c'est mieux de pas subventionner les partis politiques et d'acheter des F-18 à la place. 65 millions qui vont servir à rien parce que ça fonctionne pas, ça a l'air au Canada, ces avions-là. Ils peuvent pas atterrir dans le Nord. Et c'est pour le Nord qu'ils les ont achetés. Donc. Brilliant. Un autre dossier. Merci beaucoup, François Landry. Fait plaisir, Mathieu Plante. On te retrouve, merci, jeudi prochain à 8h30 pour ta chronique Logocratie 101. À nous, on va retourner en musique, écouter Karim Ouellet avec Météor et on vient avec la conclusion de la semaine. Bizarre dans les... sais comment ça sonne. Je me tiens mieux quand on me donne la prise. Oh ciel, une menace venue de l'espace. Tu sais comment ça se passe. Toute la planète est en crise. Excellente pièce de Karim Ouellet, Météor. C'est bon. Oui, c'est la fin de l'assemblage requis pour aujourd'hui. Je remercie mes invités. Simon Fidmi, merci beaucoup d'avoir passé la deuxième heure au complet avec moi. Hey, ben rien, ça fait plaisir, tabarouette. C'est trop fin. François Landry, on le remercie aussi. Je vous remercie d'avoir écouté toute la semaine. Évidemment, on vous retrouve lundi à 7h avec une autre édition de l'assemblage requis. François-Olivier va être de retour dans sa chaise. C'est pas celle où Simon est juste à côté. On dirait que tu voulais pas t'asseoir sur la même chose que lui. Hey, non, hey, moi, je laisse sa place. Il y a des puces, restez à l'écoute pour le Tour d'Afrique avec Rachel. Ça s'en vient à 9h. Je te prends les nouvelles de Radio-Canada. Puis ça va être connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. Danny Janvier va être là à 11h pour le dîner de con. Puis moi, je vais être de retour avec C'était fou et les palmarès C'est fou à partir de 13h. Donc, je vous retrouve là. Et passez une excellente fin de semaine si vous ne serez pas là, finalement. Tu sais, non. Ben, merci encore. Au revoir. Tabarouette. Un dernier encore, un autre. Tabarouette. Dis-moi les tabarouettes jusqu'à 9h. Oui. Tabarouette jusqu'à 9h. Bye. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.